Nous sommes tous composés d'énergie et celle-ci est vitale pour notre fonctionnement psychique et physique, mais également pour notre évolution. Elle nous permet de nous maintenir en bonne santé et de préserver notre bien-être. Néanmoins, il arrive parfois que celle-ci s'échappe, absorbée par quelqu'un ou par un lieu toxique, ce qui entraîne des pensées négatives, de la fatigue, un manque d'entrain, et dans le pire des cas, une dépression ou une maladie physique. Afin de veiller à conserver notre énergie et à la revitaliser, je vous invite à faire cette méditation régulièrement, à la fois pour vous reconnecter aux énergies positives extérieures, pour vous dynamiser, mais également pour ne pas être privé de ce combustible nécessaire pour répondre à vos besoins physiologiques. Je vous conseille de vous installer confortablement dans la position de votre choix. Trouvez votre juste équilibre, couvrez-vous si vous êtes allongé et écartez légèrement vos jambes pour trouver une posture stable si vous préférez rester debout. Commencez par fermer les yeux pour retrouver votre espace intérieur, comme si vous alliez à la rencontre de votre meilleur ami. Laissez-vous porter par votre souffle et accrochez votre attention sur le parcours de l'air qui entre et sort de vos narines. Sentez vos poumons se gonfler à chaque inspiration. Votre cage thoracique se lever. Votre ventre se dilater. Puis observez le phénomène inverse à chaque expiration. Laissez votre souffle entraîner avec lui toutes les petites tensions accumulées. Lorsque vous serez parfaitement détendu, je vous invite à poser une intention claire sur cette méditation. Formulez l'intention de prendre conscience du moindre cordon à travers lequel s'échappe votre énergie ou à travers lequel vous absorbez l'énergie de quelqu'un. Répétez mentalement la phrase suivante. Je me libère de tout éventuel cordon d'énergie. Je coupe tous les liens toxiques. Nous pouvons alors commencer le balayage de votre corps en commençant par le sommet de votre tête. Comme vous le feriez à l'aide d'une torche, passez en revue la totalité de votre corps en prenant le temps d'observer les sensations particulières que vous pourriez percevoir à un endroit ou à un autre. L'ensemble de votre tête. Votre nuque, votre gorge, vos épaules, vos bras, mains. Votre torse. Votre dos. Vos organes internes, le bas de votre dos. Votre bassin. Vos cuisses. Vos genoux. Vos mollets. Et vos pieds. L'intuition vous guidera au point d'attache où un cordon est fixé à vous. Peut-être ressentez-vous une vibration particulière, un chatouillement, une tension. Maintenant que vous avez repéré les liens attachés à vous, vous allez pouvoir procéder à leur rupture. Pour cela, il est inutile de savoir qui ou quoi absorbe votre énergie. Vous allez simplement procéder à la coupure nette de ce processus. Reposez votre attention sur votre souffle et visualisez qu'à chaque inspiration, vous absorbez une lumière blanche réparatrice. Prenez bien le temps de vous gorger de cette lumière sur quelques respirations. Désormais, tournez simplement la tête sur votre droite et soufflez par la bouche à chaque expiration. Tout en continuant de souffler, tournez progressivement la tête vers la gauche en rentrant le menton, de façon à ce que votre souffle coupe tous les liens qui se trouvent sur la face avant de votre corps, de droite à gauche. Répétez ce mouvement plusieurs fois pour éliminer tous les cordons qui vous polluent. Pour accentuer l'effet de votre souffle, Vous pouvez imaginer que celui-ci est d'une couleur blanche, très puissante, et répétez mentalement la phrase suivante. Je me libère de tout éventuel cordon d'énergie. Je coupe tous les liens toxiques. Lorsque vous avez le sentiment d'avoir rompu tous les liens toxiques, je vous invite à imaginer qu'une nouvelle lumière blanche et dorée vous enveloppe complètement. Visualisez ses couleurs, sa forme, et sentez sa chaleur et ses énergies revitalisantes. Petit à petit, elle répare toutes les traces que les cordons ont laissées sur vous et vous permet d'être totalement libéré et protégé de toute intrusion toxique. Vous êtes maintenant complètement rechargé en énergie. Lorsque la cloche retentira, prenez tout votre temps pour ouvrir les yeux et reprendre vos activités. N'oubliez pas de remercier la lumière réparatrice pour ses bienfaits et à refaire cette méditation régulièrement en l'alternant avec une méditation d'ancrage pour recharger vos batteries. À très bientôt.